LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Monsieur, vous êtes en train de patienter avec vos vélos. Qu'est-ce que vous attendez là précisément? Bon, actuellement on attend la commande. Ça sonne pas trop, mais on attend. Si ça sonne, on part avec. Avec le fraîcheur, en tout cas, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile de pédaler, mais on fait avec. Qu'est-ce que c'est comme vélo que vous avez? J'ai un vélo à location, 99 euros par mois. Donc c'est un vélo électrique? Oui, parce qu'avec l'autre vélo normal, vraiment, c'est très très difficile. Et là, alors, sur ce vélo qu'on voit, est-ce que vous avez déjà fait des accidents? On prend des risques, ouais. Parce que entre les deux voitures, elles te coincent, bon, souvent tu as peur. Je me suis fait tomber deux fois quand il pleut. Il y a eu des petites blessures ici, les pieds et les bras. Livreur et plateforme logistique. Le corps accéléré. Rémi Dibowski-Douat, Jean-Philippe Navarre. Marc Malenfer, de la mission Veille et Prospective de l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité. Michel Herry, les 50 autres % de la mission Veille et Prospective. Alors, l'INRS, c'est une association de statut loi 1901 qui est financée par la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale pour œuvrer en matière de prévention des risques professionnels. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Alors moi, ça fait très très longtemps, et c'est plus pour très longtemps. Moi, je fais ça depuis 38 ans. Est-ce que vous pouvez essayer de vous souvenir ce que vous êtes dit quand vous avez vu débarquer ces livreurs et ces plateformes dans les rues ? Moi, j'ai crié au fou. Et puis, j'ai appris à connaître ces livreurs, ces livreuses, et je me suis dit que ma première réflexion était la bonne. Alors, je vois votre téléphone, là, il est constamment dans votre main. Vous attendez la livraison, c'est ça? Ça va vibrer quand vous avez une livraison? Il y a une commande, directement, ça sonne. Vous arrivez à gagner combien? Mais ça dépend, hein. Ça dépend, souvent 200 par semaine. Souvent 250 par semaine, souvent 300. Vous gagnez à peu près 250 à 300 euros par semaine? Ouais. En travaillant toute la journée? En travaillant toute la journée, ouais. On peut faire au moins 10 heures du temps, hein. 10 heures du temps, ouais, du travail. Qu'est-ce que vous faisiez avant de faire livreur? Bon, je faisais le bâtiment. Et alors, qu'est-ce qui était le plus dur? Vous regrettez votre métier dans le bâtiment ou c'est mieux ici? Bon, pour moi, la livraison, c'est un peu mieux parce que c'est indépendant. Indépendant? Ouais. Parce que... Avec le bâtiment, tu ne trouves pas ton argent. Est-ce que vous êtes dans une situation administrative qui vous permet de prendre n'importe quel boulot? Est-ce que vous avez des papiers? Non. Non. C'est ça la principale difficulté pour vous? Ouais, c'est ça la principale difficulté parce qu'on n'a pas de papiers. On n'a pas de papiers. Donc le bâtiment au noir ou livreur à vélo, c'est vos seules possibilités? Ouais. Physiquement, je voudrais qu'on comprenne ce que ça fait de pédaler pendant 10 heures par jour ou d'attendre dans le froid comme on est en train de le faire là maintenant. Oui, mais c'est dû. C'est mieux de faire ça que de rester à la maison. Hein, parce qu'à la maison, tu vas rester à la maison, il n'y a rien. Il n'y a personne qui va te donner l'argent. Tu ne peux rien faire pour t'acheter de manger. Tu ne peux rien. Donc, c'est mieux de sortir pour venir dans le froid pour chercher. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller mendier. Vous arrivez à vous loger? Ouais. Parce que j'ai lu une colocation avec un ami. Voilà, on dort ensemble. Il est livreur également? Ouais, lui aussi il est livreur, mais lui fait avec la voiture. Parce que lui il a un permis. Comment vous voyez l'avenir pour vous? Est-ce que vous allez continuer à faire ce métier longtemps? Si je trouve documents, bon. Si je trouve mes papiers, je compte arrêter, hein, parce que c'est pas facile du tout. Faire les formations, faire un autre travail, c'est tout. Moi, je suis dans la prévention depuis moins longtemps que Michel, 16 ans. Mais je vais vous donner ma réaction quand j'ai vu les pubs pour les entreprises du quick commerce ces dernières semaines dans le métro, avec cette promesse de livraison en 10 minutes des courses dans Paris. Une fois qu'on a observé un peu ce qui se passait pour la livraison de repas, on sait que c'est pas possible. La livraison de courses en 10 minutes dans Paris, ce n'est possible que si on est un athlète de haut niveau et qu'on prend des gros risques sur la route. La préparation de commande pour une livraison comme ça, la moyenne du temps de préparation de la commande, c'est un peu plus d'une minute trente. Et ensuite, il reste en gros au livreur 8 minutes pour parcourir théoriquement moins de 2 kilomètres, mais souvent c'est plus que 2 kilomètres en vélo dans Paris avec la circulation, les feux rouges, etc. Puis monter les étages de la personne, parfois sans ascenseur. Donc, on fait au client. C'est là, vous parliez tout à l'heure, quel est le dénominateur commun de ces entreprises, etc. Moi, je pense que c'est beaucoup autour du numérique et de l'accélération du temps. Et on fait croire aux gens que tout est à portée de clic. Et ce qui nous pose problème, nous, en termes de conditions de travail, c'est que ces dispositifs-là masquent les conditions de travail. Le client ne voit pas, ou au bout d'un moment, il finit par comprendre parce que ça se médiatise, et parce que... mais on essaye de lui cacher les conditions dans lesquelles sont réalisées les prestations. Donc on lui survend une prestation au prix de conditions de réalisation désastreuses pour la santé. C'est valable pour le e-commerce en général, c'est valable pour la livraison à domicile de courses, etc., etc. Vous commandez des trucs chez Amazon? Oui, bien sûr, tout le temps, bien sûr. Abonné, ouais. Quand on commande un article la veille à 19h et qu'on l'a le lendemain à 10h. Voilà. On se dit que c'est pas pour rien qu'il y a autant de pression, qu'il y a autant de rapidité. C'est s'ils arrivent à livrer en des temps records, c'est pas pour rien, quoi. C'est que derrière, tout s'explique. Mais est-ce que c'est pas ça le problème, c'est de vouloir tout tout de suite? Certainement. Est-ce que c'est pas la... Après, ça, on part dans un sujet, mais est-ce que c'est pas la vie de maintenant où tout le monde veut tout tout de suite, quoi? Même moi, je suis une première acheteuse de compulsive. Quand je veux quelque chose, ouais, je l'achète. Je suis contente de l'avoir au final, Amazon, me dire « Oh, bah c'est cool, ils sont venus me livrer un dimanche, quoi. » Je suis la première heureuse. Bah, Jérôme, je vous vois faire des Bah, j'ai pas le même avis, donc ouais, après, voilà. Voir les collègues arriver le dimanche, ramener un colis, ça me bloque un peu, quoi. Bon, je travaille chez Amazon, oui. Je sais que s'il n'y avait pas tous ces livraisons, ces machins et tout, on ne serait peut-être pas là, j'aurais peut-être pas mon boulot. Mais la rapidité, avoir son achat du jour au lendemain, j'en suis peut-être pas fan. Donc, je sais très bien que je peux attendre le lundi ou le mardi pour l'avoir. Si je dois faire un achat ou mon épouse doit faire un achat sur Amazon, c'est qu'on ne l'a pas trouvé ailleurs. Parce qu'il faut penser aussi aux collègues aussi qui sont maintenant, la plupart qui livrent le dimanche, ils ont le droit de livrer le dimanche parce que c'est des auto-entrepreneurs. Voilà, c'est ça aussi. C'est-à-dire que maintenant, ils ont été forts là-dessus. C'est que tous ces personnes qui arrivent en camion, ça n'appartient pas à Amazon. Ils ont pris à côté des flottes d'auto-entrepreneurs pour soi-disant faire de l'embauche, hein, enfin faire du boulot, c'est bien pour eux, oui, tant mieux. Mais sauf qu'eux, maintenant, ils sont pris à la minute aussi, c'est-à-dire que le plus rapide de tous ces auto-entrepreneurs qui sont en camion à livrer, ben, ce sera celui qui sera retenu par Amazon. Donc c'est pour ça que les collègues ont la chance d'être livrés le dimanche, c'est-à-dire que si ça avait été un ouvrier lambda avec un employeur lambda, il n'y aurait peut-être pas le droit de livrer le dimanche, tout simplement, parce qu'il y a des règles. Sauf que maintenant, avec l'auto-entreprise, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire que maintenant, le gars, c'est sa propre boîte, il fait ce qu'il veut, il travaille du lundi au lundi, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas d'heure. Moi, ça m'est arrivé de voir ma voisine se faire livrer un dimanche soir à 22h, quoi. Ça, j'ai jamais vu ça dans le monde de la livraison par la poste ou par n'importe quel autre salariat, quoi. Les jours fériés. L'intitulé complet de l'INRS, c'est Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, en principe, vous travaillez, vous vous adressez au corpus des 18 millions de salariés qui sont affiliés à la Sécurité sociale. Or, vous travaillez sur la question des livreurs et des plateformes. C'est un angle mort de la Sécurité sociale. La mission prospective a pour mission justement de faire de la prospective, c'est-à-dire d'imaginer un peu comment les choses pourraient évoluer dans le futur. Alors, quand on voit aujourd'hui la façon dont les plateformes travaillent, les plateformes qui emploient des indépendants, et quand on voit comment leur façon de travailler percole en direction des autres entreprises, des entreprises dites classiques, ça paraît tout à fait justifié de s'intéresser à l'avance à des conditions de travail qui pourraient être de plus en plus présentes dans les années à venir. Alors, c'est à ce titre que depuis quelques années, après nous être intéressés aux conditions de travail qui pourraient être les nôtres en 2040, on s'est intéressé à la question des plateformes à travers les chauffeurs de véhicules équivalents des taxis ou à travers les livreurs à vélo. Ce que vous voulez dire, c'est que l'ubérisation et la plateformisation infusent dans les entreprises traditionnelles? On peut constater qu'il y a un certain nombre de modalités organisationnelles qui ont été dans un premier temps apportées par les plateformes et que maintenant on retrouve dans beaucoup d'entreprises dites classiques, on va dire. C'est par exemple les systèmes de géolocalisation, les systèmes de notation par les clients, la mise en place d'algorithmes d'organisation du travail. Donc ça, maintenant, c'est des choses qu'on retrouve dans des entreprises classiques avec des salariés classiques. Je voulais être parmi les premiers. Je voulais être. Donc, je faisais tout ce que la plateforme exigeait de moi pour que je sois parmi les premiers. Vous comprenez? C'est-à-dire que, à l'espace de 2 mois, je suis passé dans les classements de ceux qui étaient, on va dire, la première couche de livreurs. Et ceux qui peuvent choisir leur créneau horaire, ceux qui veulent et tout, machin. Et donc, ça me permettait, en plus, d'aménager mon emploi du temps. Mais ça passait, donc, là, par l'allégeance, quand même. Le fait est qu'on se prend au jeu. Mais il y a des fois aussi la plateforme qui exige une cadence. C'est-à-dire, elle va mettre des primes entre 19h et 21h. Elle va dire, si vous faites 10 courses entre 19h et 21h, vous aurez une prime. Et là, on se prend au jeu aussi. Ça, c'est l'hétéro-accélération. Donc, ça veut dire, ça procède pas de moi. On m'exige une cadence, mais je suis pris au jeu là aussi. Et là, il n'y a pas de pote. Je me souviens, c'est parce qu'en plus, c'était pour le jour de l'an. Vous mettez 20 livraisons le jour de l'an, vous avez 100€, 150€. C'était à l'époque. Vous êtes tellement engagé, vous allez à fond partout. Vous arrivez dans les restaurants, vous êtes désagréable avec les personnes qui mettent du temps à vous dans la commande. Je me trouvais dans une position où j'harcelais quand même le cuisinier, disant, où je me suis embrouillé avec un pizzaiolo parce qu'il me dit 5 minutes, et chaque fois il me dit 5 minutes, et toutes les 5 minutes, au bout ça fait 25 minutes, et moi je suis en train de perdre. Et donc, vous voyez, on se retrouve tout de suite pris dans la concurrence et même dans des rapports dégradés avec les gens avec qui on est censé travailler, c'est-à-dire les restaurateurs, les clients. Les clients, ils n'arrivent pas, ils ne descendent pas assez vite. C'est là, voilà. Fabien Lemozy, vous êtes sociologue. J'ai soutenu ma thèse en juin 2017 et je me suis retrouvé, comme bon nombre de doctorants, de nouveaux docteurs, à ce moment-là, mes financements s'arrêtaient et j'étais en difficulté financière, en précarité financière dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc je cherchais un petit boulot à côté. Je me suis retrouvé à postuler auprès des plateformes Deliveroo et Uber Eats. Et j'ai été pris de suite, en fait. Donc j'ai commencé en septembre 2017 à faire ce travail qui m'avait intrigué, en fait, parce qu'il venait d'apparaître dans la ville d'où je suis. On commence à voir de plus en plus de mecs en vélo avec des sacs cubiques dans le dos. Et j'en ai rapidement profité pour faire un terrain d'observation sociologique, ce qu'on appelle l'observation participante. Vous la définissez, cette enquête, comme une enquête par corps. Qu'est-ce que c'est, une enquête par corps? L'objet, en fait, qui actionne les pédales du vélo, les voies motrices, évidemment, c'est le corps. Mais le corps est aussi l'instrument de ma compréhension. C'est ce que je vis, ce que j'éprouve sur le terrain, qui me permet de comprendre la situation dans laquelle je suis pris, les affects qui me traversent, la fatigue qui me traverse aussi, les relations dans lesquelles on se retrouve pris, ou les corps à algorithme. Il y a tout un truc très désincarné dans le rapport hiérarchique, typiquement sur les plateformes. Il n'y en a plus personne en face avec qui négocier. Il n'y a plus le contremaître, il n'y a plus le manager au milieu pour se rendre compte, en fait, quand même, que la personne en face, elle ne va pas très bien ou elle a des revendications. Et il faut les entendre. Et ça, c'est compliqué à partir du moment où on a un corps pour éprouver et qu'on commence à voir ce que fait aussi ce genre de plateforme sur les travailleurs qui y sont. C'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui nous pose une difficulté majeure, c'est que le cadre classique d'organisation de la santé sécurité au travail en France n'est pas opérationnel avec ces plateformes, pour la simple et bonne raison qu'au lieu d'avoir un contrat de travail entre un employeur et un salarié, on a un contrat de prestation de service entre une plateforme d'intermédiation et un auto-entrepreneur, donc un travailleur indépendant. On échappe à 2 gros leviers de prévention qui sont d'une part la responsabilité de l'employeur en matière de santé sécurité au travail vis-à-vis de ses salariés et d'autre part l'assurance accident du travail maladie professionnelle qui en France est une assurance obligatoire pour tous les salariés du régime général et qui va imputer à l'entreprise le coût des risques qu'elle génère. C'est-à-dire que quand vous avez un salarié d'une grande entreprise qui a un accident du travail, la prise en charge de cet accident va être complète et automatique de la part de la branche accident du travail maladie professionnelle. La contrepartie, c'est qu'ensuite, ces coûts vont être refacturés, entre guillemets, à l'entreprise, qui va voir ses cotisations augmenter dans les années suivantes. Tout ça, c'est des leviers qui incitent les employeurs des entreprises à faire de la prévention pour faire baisser le nombre d'accidents. Donc moi, c'est Tatiana, je travaille chez Amazon dans le service PIC. PIC, du coup, je vais parler en français parce que c'est pas forcément très très simple à comprendre. C'est le prélèvement d'articles. Donc en fait, lorsque le client commande, ça tombe dans une espèce de corbeille informatique qui est dispatchée sur les différents sites en France. Donc là, en l'occurrence, nous, chez nous, à Levain-Planck. Et nous, on prélève. Donc la journée type, c'est pas compliqué. Hein. Si on arrive, on pointe, on se rend dans l'armoire où se trouvent les scans. On scanne, on se log, donc du coup, pour montrer qui on est. On répond à différentes questions posées par l'entreprise en général pour connaître l'humeur du jour et les remontées à faire. Quelles questions ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Rien, on lit le scan et c'est « Votre manager fait-il bien son travail ?»« Pensez à bien dormir, machin, enfin voilà, toutes des choses pour mettre en condition le travailleur dès sa prise de poste. » Mon scan me dit où je dois aller, donc dans quelle allée. Donc, parce qu'on a différentes cellules avec différentes allées, différents étages. Donc moi, j'ai juste à suivre mon scan. C'est une espèce de GPS, en fait, GPS dans tous les sens du terme. Parce que du coup, on est nos chefs savent où on est, ce qu'on fait, combien on pique, enfin combien on prélève du coup en article et combien de temps on s'arrête quand on va aux toilettes. Donc enfin, voilà, tout est répertorié par rapport à ce scan. Je prélève mon article, je le bip, je le remets dans une espèce de petite caisse sur roulette. Donc c'est vraiment comme un magasin, en fait, on fait ses courses. Et ensuite, lorsque les commandes sont finies, on a juste à fermer et envoyer la Black Tote sur des convoyeurs. On pousse le chariot à longueur de journée. Lorsqu'on se rend à l'adresse où le scan nous l'indique, et ben du coup, on doit poser le scan par mesure de sécurité pour éviter d'avoir double objet dans les mains et de se blesser. Donc on pose le scan, on prélève l'article, on contrôle l'article sur les différentes faces, voir s'il n'est pas abîmé, parce qu'on n'a pas le droit d'envoyer des objets abîmés forcément au client. On le rescanne, on le remet dans la Black Tote et en fait on marche tout le temps à longueur de journée. Il y a quelque chose de robotique dans ce que vous décrivez ? C'est tout à fait robotique. Tout ce que vous allez faire à partir du moment où vous allez rentrer sur le floor, donc rentrer dans l'entreprise ou à l'endroit même où on travaille, tout est robotisé. Lorsque vous rentrez chez Amazon, on vous apprend les gestes et postures justement pour éviter, soi-disant, à vous blesser. Et du coup, ces fameux gestes et postures, il faut les respecter tout le temps, sous peine de sanctions par moment ou sous peine de contestation d'accident de travail lorsque ça arrive. Et du coup, on n'a pas le choix. Et donc, instinctivement, en fait, on le fait machinalement. Pour nous, c'est devenu standard, comme à la maison. Je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé de prendre plusieurs choses dans les mains ou dans les bras. Nous, on sait qu'à Amazon, on a le droit que un ou deux articles dans les mains. Il ne faut pas que ça dépasse les épaules. Il faut vraiment avoir... la capacité dans les mains, en fait. On ne peut pas être débordé par les objets parce que ça, on n'a pas le droit. Pareil, lorsqu'on s'abaisse, en gardant les gestes et postures, donc les trois points d'appui. Il faut vraiment descendre en s'appuyant, trois points d'appui, les épaules alignées au niveau du bassin. Enfin, moi, je ne sais plus, maintenant, je ne pourrais plus vous le dire. Le Ready, Steady, Go, parce qu'Amazon, c'est un site américain, donc on parle beaucoup en anglais là-bas. Donc, c'est tourner sans torsion, rester en dynamique, il faut bien garder ses points d'appui. Enfin, c'est vraiment une posture où il faut s'abaisser en gardant bien le dos droit. Tourner sans twister pour éviter de solliciter les hanches. C'est vraiment des termes bien spécifiques à Amazon, mais du coup... Moi, je le traduis en gestes et postures parce que ouais, c'est tout à fait ça, c'est les gestes et postures à adapter pour travailler. En France, jusqu'à présent, le chef d'entreprise est soumis à une obligation de sécurité de résultat. Dès lors que survient un accident du travail, par principe, c'est l'employeur qui est tenu responsable de cet accident. Et alors, dans la mesure où une faute inexcusable pourrait être reconnue, c'est-à-dire qu'on définit, on qualifie un manquement grave aux règles de sécurité, l'employeur, il encourt des poursuites au pénal. Ça, c'est pour le premier volet. Et le deuxième volet, plus assurantiel, c'est qu'il doit cotiser à la branche accident du travail sur un numéro de risque qui correspond à l'activité de son entreprise. Et dès lors qu'il va avoir des résultats en santé, sécurité au travail, c'est-à-dire un nombre d'accidents, de maladies reconnues, etc., qui sont anormales ou atypiques par rapport à son secteur d'activité, il va avoir les gens de la sécurité sociale, des CARSAT, qui vont se tourner vers l'entreprise en lui disant « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise? Pourquoi vous avez autant d'accidents ?» Tatiana, avec tous ces gestes postures qui sont répétés, vous êtes simplement en train d'expliquer qu'Amazon prend soin de vous en tant que travailleuse. Non, enfin, il prend soin de moi, mais il prend soin de son portefeuille surtout. Parce que du coup, il peut se permettre de contester tous les accidents de travail qu'il va y avoir sur le site en se déculpabilisant du coup. Je mets tout en place pour que ça soit respecté. C'est tout. Et quand vous rentrez à la maison alors? Eh ben, à la maison, ça se répercute systématiquement lorsqu'on rentre. Enfin, moi, en tout cas, je le dis, depuis le temps que je travaille chez Amazon, je ne me maintiens plus de la même façon qu'avant. Et les gestes et postures se sont reconduits à la maison, forcément, ne serait-ce que la rampe d'escalier. Je tenais jamais aucune rampe avant. Et puisque chez Amazon, c'est obligatoire, parce que sinon, il peut y avoir des accidents de travail. Partout dans ma vie, partout où je verrai une rampe, je vais m'y tenir. Je vais m'abaisser en fonction de le ready steady go, ne pas me courber de façon brutale, bien respecter les gestes et postures, parce que c'est devenu instinctif. Vous aussi, Stacy? Bah oui, mais moi, c'est pas dans le même sens-là. C'est que je vais voir quelqu'un qui va pas tenir la rampe. Je vais direct lui dire, on tient la rampe. Enfin, avec la psychomatise d'Amazon, on te rentre dans ton cerveau qu'il faut que tu tiennes une rampe. Sinon, t'es à coup sûr de te blesser. Par exemple, je vais marcher derrière vous. Je vais pas vous voir tenir une rampe. Je vais vous crier, on tient la rampe. Tiens la rampe, sinon une lettre de sensibilisation, sinon un avertissement, sinon peut-être un entretien dans licenciement. C'est des moments traumatisants. On a peur, on regarde à droite, à gauche, si on nous voit. Par exemple, si j'ai commencé à descendre les escaliers, que j'ai pas tenu la rampe, je vais tout de suite regarder à gauche et à droite pour voir si on m'a pas regardé de peur de me faire sanctionner. On pourrait croire que la circulation dans le trafic et ce qui, quand même, génère une certaine peur. Les intempéries, les voitures, les accidents possibles. On se retrouve dans des conditions de travail qui mettent le corps en péril. Moi-même, je l'ai ressenti quand je faisais mon observation participante. J'ai même eu des accidents, je suis tombé quelques fois. Donc ça fait partie du métier, c'est des choses qui arrivent dont on sait. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on parle avec les livreurs, on se rend compte que c'est pas la peur de rouler. C'est la peur de ne pas rouler. Pourquoi cette peur de ne pas rouler est plus forte? Parce qu'ils doivent suivre l'algorithme. Ils doivent suivre le flux de la machine. Et ils n'ont aucune prise sur la machine, sur la façon dont sont distribuées les commandes. Mais ils en dépendent énormément. Ils sont payés à la tâche. Ils sont auto-entrepreneurs. Ils sont en concurrence, c'est-à-dire qu'il y a un nombre massif de personnes qui attendent pour prendre une commande. Donc, on se retrouve dans un truc où ils sont seuls responsables de leur productivité. Et la seule chose où ils peuvent agir, c'est sur leur disponibilité pour la plateforme et sur le temps de livraison. À ce moment-là, ce que je vais comprendre, c'est que la plateforme, premièrement, n'est pas qu'un intermédiaire. C'est-à-dire, ces applications sont des organisations du travail. C'est-à-dire, ce sont elles qui prescrivent, ce sont elles qui organisent le travail, qui sanctionnent les personnes, celles qui les rémunèrent, qui fixent les rémunérations aussi, et ce sont elles qui, finalement, instaurent une certaine discipline à la fois psychique, mais aussi corporelle. L'un va pas sans l'autre, en fait. Cette nouvelle économie politique du corps qui surgit avec l'arrivée des organisations de travail de plateforme me renvoyait déjà, dans un premier temps, à un corps qui devait être corvéable à merci, qui devait prêter allégeance, en fait, à la plateforme. Parce qu'il y a tout un tas de mesures statistiques qui vous apparaissent et qui vous prescrivent, d'une manière ou d'une autre, une façon de faire avec l'application. Et ce que va quantifier, en fait, ces applications, c'est votre disponibilité surtout. Est-ce que vous étiez là les week-ends de 19h à 21h? Est-ce que vous avez réservé des créneaux? Est-ce que vous faites partie du classement? Parce que si vous êtes en haut de ce classement, vous allez pouvoir réserver plus de créneaux. Donc il y a une pression temporelle qui s'abat sur le livreur où il doit jouer le jeu. Pour tenir justement, il faut être endurant. C'est peut-être la deuxième chose, c'est que le corps doit être endurant dans la longueur. C'est ce qui donne en fait des temps de connexion des fois inimaginables. Il faut être tout le temps là pour la plateforme. De toute façon, et les rémunérations vont en baissant. Donc dans tous les cas, il faut que je sois là parce que je ne vais pas avoir de quoi vivre. Cette peur de ne pas rouler, en fait, on la retrouve dans le travail répétitif sous contrainte de temps. Le paradigme un peu de l'ouvrier taylorisé, du travail à la chaîne, un travail fragmenté. Et cette peur de ne pas rouler s'assimile à ce que la peur qu'avaient ces ouvriers, celle de la peur de couler, en fait, d'être en face du tapis. Le tapis va trop vite et je coule, et en coulant, je fais couler les autres derrière. En plus, c'est l'algorithme qui distribue. On n'a aucune prise. Autant le tapis, on le voit rouler. On peut évaluer. Là, il n'y a aucun moyen. La possibilité d'avoir un peu une compréhension de ce qui se passe dans le travail et de comment ça marche. Et l'algorithme est tellement opaque, en fait. L'opacité de ces organisations de travail est tellement forte qu'on n'a pas de prise. Alors, face à cette situation, quel levier vous avez, vous, pour faire avancer la prévention ? À vrai dire, aucun. Il faut dire les choses comme elles sont. On a vu ce qu'on pouvait faire, par exemple, par rapport aux risques psychosociaux, qui sont des risques importants pour ces travailleurs, qui doivent travailler à un rythme élevé, qui ont des contacts fréquents avec des clients, qui sont sous la pression horaire de la plateforme. Donc, les risques sont tout à fait élevés et concrètement, on peut rien faire. Dans la mesure où le travailleur lui-même n'a pas les moyens d'organiser sa prévention et où la plateforme qui l'emploie, entre guillemets, ne le fait pas, ils restent sans aucune prévention des risques professionnels. Et non seulement ils n'ont aucune prévention des risques professionnels, mais il y a un certain nombre de facteurs aggravants qui font que potentiellement leur accidentabilité ou potentiellement le fait de développer une maladie professionnelle peut être plus élevé qu'un travailleur, entre guillemets, classique. C'est pas normal quand un livreur à vélo a un accident dans la rue, c'est la sécurité sociale, l'assurance maladie classique qui va indemniser les frais médicaux, donc vous et moi, alors que la responsabilité, elle revient grandement à l'employeur qui l'a mis sur un vélo dans les rues de Paris sous contrainte de temps, quel que soit le climat, etc., et les conditions de circulation. Comment est-ce qu'on peut et est-ce que c'est possible de pousser davantage la prévention au sein des plateformes ? Est-ce qu'on a des leviers, des marges de manœuvre là-dessus ? Alors, c'est ce que le gouvernement français a essayé de mettre en œuvre ces dernières années, puisqu'il a demandé à un certain nombre de personnes de faire des propositions. Et il disait, mais de toute façon, nous, on ne veut absolument pas une logique de salariat, on veut toujours une logique de travailleurs indépendants, de contrats commerciaux et des choses comme ça. Pour être tout à fait sincère, ce qu'on a lu dans les rapports, quelle que soit la qualité et l'honnêteté des gens qui les ont écrits, ne nous a pas vraiment convaincus, quoi. C'est-à-dire que c'était quand même des mesurettes qui, à mon avis, ne risquaient pas d'améliorer la situation globalement. Lesquelles ? Les mesurettes, c'était par exemple que pour un livreur à vélo, la plateforme fournisse un casque. Bon, c'est bien, mais ça ne va pas changer vraiment les conditions d'exercice pour le travailleur. C'était aussi, alors ça c'était quand même un progrès, et ça devrait se mettre en place ces mois-ci, là, c'était quand même un début de dialogue social entre les plateformes d'un côté et puis les livreurs de l'autre, charge à eux de s'organiser. Ça paraissait quand même un petit peu déséquilibré, quoi, entre des livreurs qui n'avaient guère de moyens et guère d'autres à apporter que leur force de travail et des entreprises qui sont quand même assez bien implantées. Il n'y a pas de collectif, donc comment on tient ? On tient tout seul par la stratégie individuelle de défense et par l'auto-accélération. Fabien Lemozy, sociologue. L'auto-accélération, c'est une stratégie individuelle de défense. Comme pour les ouvriers, ils vont augmenter la cadence. Dans le cas des livreurs, s'accélérer permet une maîtrise symbolique du risque, en fait. S'il a la possibilité de trouver les moyens de subvertir cette souffrance en habileté, en savoir-faire, en intelligence pratique, c'est quelque chose qui se transforme en plaisir. C'est ce qui rend tenable le travail ? C'est une promesse du travail, d'être confronté au réel, de se découvrir soi-même, de produire pour les autres, d'avoir une utilité sociale, et on découvre des nouvelles habiletés, des nouveaux registres de sensibilité qui font que ma subjectivité s'accroît. Je deviens plus intelligent. La trouvaille, par exemple, pour aller plus vite, c'était d'installer un fake GPS, un faux GPS sur son téléphone pour s'y situer près des restaurants. C'est-à-dire que quand il faisait une livraison un peu loin, il remettait son GPS près des restaurants pour avoir plus vite une commande. Pour faire croire à l'algorithme, finalement, qu'il était en capacité d'aller faire une livraison. Exactement. L'application est en mesure de repérer les fake GPS et elle interdit ça. Vous voyez, on est déjà dans des conditions psychiques, en fait, qui nous mettent sur le qui-vive, qui sont toujours dans une concentration à maintenir et une concentration qui est tournée vers les enjeux temporels et leurs accélérations. Il est impossible, en fait, de comprendre l'usure du corps des livreurs de plateforme sans comprendre au préalable les sources de souffrance et les conduites qu'ils mettent en place pour continuer à travailler. Donc il faut comprendre qu'est-ce que psychiquement est engagé Sinon, on en reste aux conditions de travail. Hein. Ce que je disais, les intempéries, les accidents, mais on voit quand on parle avec eux, c'est pas ça qui les préoccupe. Dans l'auto-accélération, ce qui est proscrit, en fait, c'est l'activité de pensée. Le fantasme, la rêverie, la réflexivité, c'est des choses qui éloignent le sujet de sa tâche et de la cadence qui s'impose. Comme à la chaîne, hein. si je commence à rêvasser, si je commence à me demander ce que je fais ici, si je commence à... Ben, ça y est, j'ai perdu, j'ai coulé, il faut que j'arrête de penser à ça. Pour nous, la pensée, elle part du corps. Hein. C'est toujours, la pensée, elle est toujours affectée. Elle part toujours d'un éprouvé. Donc, il faut que j'arrête d'éprouver. Alexandre, c'est quoi votre boulot à vous ? Moi, je suis packeur, donc je suis juste derrière le piqueur. Vous avez un écran, vous loguez, vous scannez votre badge. Ensuite, vous avez échauffement musculaire. Quand vous avez fait tout ça, donc là, ça arrive directement à vous. Vous avez un scanner qui va lire la black dot, parce qu'il y a des codes barres. À l'écran apparaît quel type de carton il faut le mettre, quel type d'emballage, et vous devez suivre forcément la procédure. Vous prenez le scotch à la dimension indiquée, parce que là c'est pareil, vous avez des codes couleurs, donc vous le scotchez, ensuite vous collez l'étiquette dessus. Quand vous avez mis votre carton sur le tapis, ça va passer dans une machine où ça va lire le code barre et ensuite ça viendra tamponner avec la destination où ça doit partir. Et ensuite, bah, ça continue jusqu'au chargement. C'est de la répétition. Vous prenez, vous faites, vous déposez, vous reprenez, vous bipez, vous l'emballez, vous le remettez. On tourne, on s'abaisse, on doit 3 points d'appui, se relever, déposer. Et pour le peu qu'on a le malheur de s'arrêter 30 secondes pour discuter ou pour reprendre son souffle, ou même pour aller aux toilettes tout simplement, eh bien derrière, on sait qu'on peut avoir risque de sanction, c'est-à-dire venir nous voir en nous demandant pourquoi de 13h01 à 13h04, tu as été à l'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, on est censé se justifier. Donc, comme ils le disent, on n'a pas le droit de t'interdire d'aller aux toilettes. Par contre, il faut que tu apprennes à te retenir. Donc ça, la phrase en elle-même, elle veut tout dire. Ils ne peuvent pas interdire, mais ils mettront la pression pour que la personne y aille le moins souvent. Mais ça vous est déjà arrivé ? Ah oui, hein, et plusieurs fois. Et si on a le malheur, par exemple, on appelle ça aussi les CPT chez Amazon, c'est les départs commandes clients. Arrive l'heure, par exemple, souvent vers 20h, ça y est, les camions, ils doivent partir, on doit les charger au plus vite, donc au pack, il faut se dépêcher de les emballer avant une certaine heure. Si je ne le fais pas vite, vous pouvez être sûr qu'il y a un lead qui va venir voir, support lead, donc ça, c'est celui qui a un peu de responsabilité. Après, au-dessus, on a le lead, ensuite, on a le manager et le manager ops. Donc, vous pouvez être sûr que toutes ces personnes, si je ne vais pas un peu plus vite à ce moment-là, elles vont venir me voir pour me dire « Dépêche-toi, allez, dépêche-toi !» Donc, c'est pression psychologique, physique, non-stop. Quoi qu'il arrive, il y a un chef qui nous enverra un petit message. C'est juste une sensibilisation. En fait, ils appellent ça des courriers de sensibilisation. Mais qu'en fait, c'est la première partie des sanctions chez Amazon. Donc, à partir de là, oui, on est obstiné à tout le temps faire attention à la minute près, à la seconde près. Si on ne bip pas à l'heure près, on est tout le temps en ce qu'ils appellent soit en ANAP, donc en absence non justifiée, quoi, non autorisée, non payée. Parce que soit notre badge, on ne l'a pas bipé à temps, ou ainsi de suite, quoi. Arrêter de penser, et pour arrêter de penser, je dois saturer psychiquement mon espace conscient, préconscient, mon espace psychique. On pourrait prendre l'image du scaphandre, en fait. On se met dans un scaphandre. Voilà. Et donc, il y a tout un tas, en fait, de signes qui montrent ça. C'est dans la conduite du vélo. On cherche à aller plus vite. Hein. C'est d'ailleurs une bonne occasion de se décharger de l'agressivité que génère notre rapport à l'organisation du travail de la plateforme. Tout est fait pour t'énerver dans ce métier. C'est ce que disent les livreurs. Tout est fait pour t'énerver, en fait. Tout qui va pas. On attend tout le temps, on sait jamais sur quoi on tombe, mais sur ce qui vient. Tout est fait pour te mettre dans des conditions où l'agressivité monte. Et dans la stratégie d'auto-accélération, on peut déverser cette agressivité. Ça s'appelle l'éconduction de l'excitation par la voie motrice. Toute l'agressivité qui est générée, on peut la décharger. Et donc, c'est un bon moyen de la décharger. Et en plus, ça paraît rationnel économiquement, vous voyez. Parce que, on va plus vite. En allant plus vite, au moins, j'ai l'impression d'agir symboliquement sur la source de ma peur, qui est celle de ne pas aller assez vite. Donc, ça implique que je fasse des zigzags, que je grille des feux, que je ne pose pas le pied par terre. C'est un peu ça, là, ce que disent les livreurs. Il ne faut pas poser le pied par terre. Notre boulot, c'est de savoir passer le carrefour sans s'arrêter. Il faut arriver à passer entre les gouttes. Voilà. On repousse les bornes du temps en ayant l'impression de le maîtriser. Plus on pédale, moins on sera fatigué. C'est ça, anesthésier la douleur par l'effort physique. Et sans s'en rendre compte, ça a des conséquences principalement sur le système ostéo-articulaire, sur le système cardiovasculaire, ça a des conséquences digestives et aussi des conséquences infectieuses. Tout ceci, ça va se ranger en fait dans les atteintes somatiques. On a beau nier une partie de la souffrance, et c'est à ça que servent les stratégies défensives, nier une partie de la souffrance, une partie du réel qui nous fait souffrir, mais le réel, il est toujours là quand même. Et il fait son boulot. Et la souffrance a fait son chemin. Le corps, il finit par en pâtir. Les week-ends, ça fait toujours mal. Limite, on a fait une semaine de sport intensif, quoi. Il y a toujours un temps d'adaptation lorsque tu quittes ton poste de travail et que tu rentres à la maison. En fait, t'es encore dans le feu de l'action. On t'en demande tellement beaucoup que du coup, t'es en speed constamment. C'est du rapide, il faut aller vite. Donc du coup, lorsque tu quittes l'entrepôt et que tu vas dans ta voiture, t'es encore dans ce sentiment où il faut aller super vite. Donc même en rentrant à la maison, il faut un certain temps, enfin en tout cas pour ma part, pour pouvoir relâcher un petit peu cette pression et se dire « ouf, c'est bon ». C'est la politique chez Amazon, à partir du moment où tu as mal, à partir du moment où tu ne peux pas pratiquer normalement comme tout le monde, faut rester chez toi, faut te mettre à l'arrêt. Alors que c'est systématiquement la plupart du temps causé par le travail chez Amazon en fait. Et avoir un médecin du travail pour 2500 embauchés et 2000 intérimaires en plus, c'est très peu. Lui-même avait déjà précisé plusieurs fois que la cadence était dure à tenir, quoi. S'occuper de tout le monde, des problèmes, c'est pas évident. Mon collègue tout à l'heure parlait de douleur au niveau des épaules, mais en fait, tout dépend du service où vous vous trouvez. Si vous êtes en pic, que vous marchez tous les jours, forcément, c'est le bas du corps qui va prendre. Si vous êtes en sto, et en pack, c'est le haut du corps qui va prendre, donc les épaules, les poignets, voilà, toutes les articulations supérieures. Mais à partir quand tout va bien, quand tous les membres vont bien et qu'on suit la cadence, tout va très très bien. À partir du moment où on commence à être un petit peu cabossé et moins suivre la cadence, on demande à ce que les employés restent chez eux. En arrêt maladie, parce qu'il faut savoir que les accidents de travail chez Amazon sont très très peu reconnus, parce que 99% des accidents de travail sont contestés. Enfin, c'est pas une contestation d'après eux, c'est ils émettent des réserves systématiquement à tous les accidents de travail qui ont lieu chez Amazon, parce que justement, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a les gestes et postures à respecter, et que pour Amazon, à partir du moment où le salarié se blesse chez Amazon, c'est que c'est de sa faute. C'est pour ça qu'ils rappellent aussi souvent les gestes et postures. Oui, c'est ça. C'est que du coup, pour eux, le travail est fait. Ils ont informé les salariés sur comment ils devaient travailler pour ne pas se blesser. Donc, ils n'ont pas à se blesser. Donc, forcément, pour la plupart, ils se mettent en arrêt maladie. Et qui dit arrêt maladie pour des troubles musculo-squelettiques, ben, c'est souvent des longs arrêts. Et qui dit long arrêt maladie chez Amazon, dit ben, rester avec la moitié de son salaire pendant des mois et des mois parce que les papiers ne sont pas envoyés en temps et en heure. Le salarié peine à payer ses factures parce que du coup, forcément, l'argent ne rentre pas. Et quoi qu'il arrive, tôt ou tard, il revient dans de mauvaises conditions parce que psychologiquement, déjà, il est affaibli parce que ben, financièrement, ça va pas du tout. Physiquement, il n'a pas eu le temps de se reposer parce que ben, la période a été trop courte. Il n'a pas pris le repos nécessaire, donc il revient bosser. Et il se fait de nouveau mal. Mais il prend sur lui, il continue. Et on en arrive au fait que ben, les inaptitudes, ça tombe un petit peu tous les mois, quoi. Vous voyez ces livreurs qui ont de la musique sur les vélos. Là, vraiment, je reprends l'image du scaphandre. Ça permet de créer ce scaphandre, cette bulle autour de la tête. La musique à fond, les conversations téléphoniques tout le temps, même en vélo ou quand on attend, regarder le téléphone, regarder si les commandes arrivent ou se mettre des streamings de foot ou regarder une série. Tout ça, ça participe, ça sature l'espace. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où on peut penser, il n'y a pas un moment où on peut éprouver un peu ce qui se passe. Il faut barrer l'éprouver. Et si ça ne suffit pas, on réactive la voie motrice. Même si on n'a pas de commande, on remonte sur le vélo et on va décharger. Quand j'étais livreur, on disait, tu montes sur le vélo et tu fais un tour, ça fait venir les commandes. Comme si on en savait quelque chose, on sait que dalle. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui se passe, de toute façon. On ne sait pas comment c'est distribué. Mais ça se transforme en croyance, vous voyez. C'est des rationalisations secondaires qu'on appelle. C'est-à-dire que voilà, s'ils voient que tu es actif, ils vont t'envoyer une commande. Et vous le faisiez? Ouais. Ouais, parce qu'on sait pas comment ça marche. Donc on tombe dans le truc. Et puis nous, ça nous permet d'éviter de penser à que, en fait, on se fait chier. Putain, on est tous là, on se parle pas et on. Voilà. On nous vend ces organisations du travail comme des nouvelles organisations du travail qui pourvoient autonomie et liberté. C'est la même chose, c'est du taylorisme. Le taylorisme, c'est la fragmentation du travail, mais c'est aussi la division de l'exécution et de la conception du travail. Il y a ceux qui conçoivent le travail, ceux qui l'exécutent. Ce qui est un contresens, parce que quand on fait la clinique du travail, ceux qui exécutent, dans les tâches d'exécution, il y a toujours une tâche de conception. Parce qu'il y aura toujours cet écart entre le prescrit et le réel. On est toujours obligé d'engager son corps et son intelligence dans le travail pour y arriver. Mais cette conception tayloriste continue. Les plateformes, c'est pas du néo-taylorisme en fait, parce que le taylorisme n'a jamais arrêté. C'est juste les outils de l'information et de la communication ont permis de remanier ça d'une manière différente. Et ça engage les personnes sur un nouveau terrain, sur un nouveau mode de domination, dans lesquels voilà, on se retrouve, dans ce que je vous dis, on se met en mode robot. Vous entendez encore le bruit pendant 5, 10, 15 minutes après que vous êtes sorti de l'entreprise. Mais à force, on s'y fait. des machines en fait, c'est des convoyeurs, ding ding, ou je sais pas, bip bip bip bip bip, dès qu'il y a une machine à l'arrêt, ou après il y a le service shipping, des scans, bip bip bip bip bip, les convoyeurs, enfin tout. Le passage de caisse quand on passe à un article en fait, c'est le même bruit, mais du coup fois 100, fois... Toutes les commandes qui sortent, donc le chargement, toutes ces personnes qui travaillaient sur les quais avant sur Cassès, maintenant se retrouvent à pousser des transpales électriques, et donc avec 250 kilos. Quoi. Et donc bah, là, on a le bruit de toutes ces machines, quoi, des gars avec les machines qui sont en train de pousser dans les camions. Donc la montée et descente des camions avec ça, ça fait du bruit. Même quand il y a un arrêt de convoyeur. Un arrêt de convoyeur, c'est qu'il y a un problème d'un coup avec la machine. Du coup, les machines s'arrêtent. Et là, c'est le calme. Et là, on fait... Oh. Bonheur, ça fait du bien. Et quand on sort d'Amazon, du coup, après une journée de où on a fait malgré qu'on ait une petite pause de 35 minutes, une fois qu'on est sorti d'Amazon et qu'on se dit ça y est, on va plus attendre. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme activité ? Bah, moi, je suis stower. C'est encore un nom américain plus amazonien. Donc, c'est ranger les articles pour qu'ils soient envoyés après en pic, donc pour qu'ils soient envoyés chez le client. Nous, on les fait ranger dans des grandes armoires. Sur plusieurs étages. Donc pareil, hein, tout est placé sur un chariot. On prend le chariot, on s'en va dans des allées, et on doit être un par allée. On n'a pas le droit d'être plusieurs, hein. Il faut qu'on soit obligatoirement un par allée pour éviter de parler avec les collègues. Donc on est tout seul avec notre chariot dans des allées énormes. Et pareil, notre scanner, biper l'article, le ranger dans les armoires. On ne doit pas mettre un petit article dans une grande armoire. On doit le mettre obligatoirement dans une petite. Donc même si on ne trouve pas de place, bah on cherche des fois pendant des heures et des heures pour trouver cette place, pour pouvoir ranger cet article. Et on nous le reproche aussi. C'est-à-dire que si on ne trouve pas de place, on dit qu'en fait, on a perdu notre temps. Combien vous gagnez les uns et les autres là ? Ça dépend, c'est en fonction, enfin, ça dépend de l'ancienneté. 1400 net. Les plus en à 5 ans d'ancienneté. Hein. Il y a un léger delta au-dessus du SMIC. Comme ça, ils peuvent dire qu'on est les mieux payés de la logistique. Je cite encore un livreur qui dit « C'est un métier qui rend un peu con, un peu fou. » Et ça, pour soi-même, pour l'image de soi, pour l'amour de soi, c'est terrible, en fait. Qu'est-ce qui procède de nous, là-dedans ? On est en mode robot, on fait des calculs comme la plateforme, limite algorithmique. Je dois calculer quel coefficient, je dois calculer quelle zone a un meilleur coefficient. Voilà, c'est comme ça. On fait des tableaux Excel. Comment on tient ? C'est comme ça. Mais vous voyez ce qu'il en coûte. Pour le moment, ces plateformes, c'est quelques centaines de milliers de travailleurs. Donc au regard des 18 millions de salariés du régime général, c'est extrêmement minoritaire. Sauf que ce qu'on constate aussi, c'est qu'à chaque fois qu'elles arrivent sur un secteur d'activité, elles déstabilisent les acteurs traditionnels. Et la tendance et le réflexe de ces acteurs traditionnels, c'est d'essayer de s'aligner sur leur mode de fonctionnement. Donc ça a été le cas pour les taxis avec les VTC. Les taxis se sont alignés sur Uber. Et puis là, on le voit dans la distribution, il y a une espèce de course en avant parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui viennent, ce qu'on appelle, même si le terme n'est pas beau, disrupter le marché. Et les acteurs traditionnels, en général, ils prennent peur et ils essayent de s'aligner parce qu'il y a tout un discours sur les vertus et les potentialités, d'ailleurs parfois vérifiées, du numérique pour transformer des secteurs d'activité traditionnels. Le problème, c'est qu'on a des acteurs qui arrivent avec des modèles économiques qui ne sont pas viables, qui sont dans des phases de conquête de marché sur des fonds à perte. Et du coup, ils déstabilisent des secteurs sans forcément démontrer la viabilité à long terme de leur modèle. Et du coup, c'est pour ça que sur ces questions-là, on a un certain nombre de points d'interrogation et d'incertitude sur comment ces choses-là vont se stabiliser à l'avenir. On crée les conditions d'une frustration permanente chez le client. On va lui promettre des choses magiques comme ça. En 10 minutes, vous allez recevoir les courses plus vite que si vous aviez décidé vous-même d'aller les faire. Et derrière, il y a des dégâts en termes sociaux et en termes de santé qui sont importants. Donc à un moment, je pense que ça va se réguler. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises du quick commerce vantent de recruter des salariés en CDI. Sans doute par anticipation des évolutions réglementaires. Et donc, on va voir la sinistralité de ces travailleurs. Et puis, on va pouvoir voir combien ça coûte à ces entreprises. Et du coup, elles seront obligées de revenir un petit peu à la raison et de mettre en place un cadre pour protéger leurs travailleurs. Pour dire les choses un peu crûment, les questions des conditions de travail n'intéressent pas beaucoup les gens de la gig-économie. Hein. Donc, très clairement, ce n'est pas dans leur ADN. Alors, c'est pas un problème, hein, parce que nous, on est là pour leur apprendre. Enfin, je dis nous, le système prévention des risques professionnels de la Sécu, il est là pour leur apprendre. Ah, je pourrais m'arrêter à 23h, il y a un petit shift, il y a un petit créneau horaire là qui s'est... Allez, j'y vais, une heure de plus, et encore une heure de plus. Et donc ça donne, ce que je dis, le dépassement des bornes temporelles, ça donne des livreurs qui travaillent 50 heures, 60 heures. Ça on le voit hein, dans les études un peu statistiques que les sociologues font. On se retrouve voilà, avec des livreurs qui travaillent beaucoup plus de 35 heures. Quand ils rentrent chez eux, dans le RER, qui tombent de fatigue, ils s'endorment, et ils s'endorment avec les autres livreurs. C'est-à-dire d'autres livreurs dans la rame, ils se connaissent pas. Hein, c'est ça, je dis, il n'y a pas de collectif, ils ne se connaissent pas, mais ils s'endorment tous, ils s'endorment dans la rame. Ou ils rentrent chez eux, ils s'endorment tout habillés, la lumière allumée, sans manger. Quand ils ne sont pas réveillés par des cauchemars, un livreur disait le système free shift est mortifère. C'est-à-dire vraiment, vous voyez, là, j'ai tout dit quand je dis ça. C'est-à-dire vraiment, ça nous engage dans la mort, quoi. C'est-à-dire que c'est, il n'y a pas de limite, en fait. Ces choses qui permettaient de réguler la concurrence au niveau des créneaux, de réservation de créneaux, ça veut dire que sur un créneau, ben, tant de personnes pouvaient être, maintenant, tout le monde peut y être. Donc la concurrence est exacerbée. Deliveroo et Uber Eats se sont retirés de Barcelone et de Madrid à la suite de l'adoption de la loi cet été qui instaure une présomption de salariat. Ça veut dire que leur modèle économique ne tient plus. Dès lors que vous devenez responsable de la santé sécurité des livreurs, vous avez des cotisations sociales beaucoup plus importantes à payer et puis vous devez assumer les conséquences de la sinistralité de vos livreurs. Sachant que leur modèle économique, de toute manière, même avec des travailleurs indépendants, il n'a toujours pas démontré sa viabilité vu que ce sont des entreprises qui perdent de l'argent. Elles vendent de la livraison, mais elles la vendent à perte. Et donc, il y a un problème de rationalité économique derrière tout ça aussi. Alors, c'est quoi le sens, finalement, de tout ça, si ces entreprises perdent de l'argent ? Ça n'a pas trop de sens. D'un point de vue économique, quoi, par rapport au cours d'économie qu'on a suivi au lycée, le modèle des plateformes de livraison de repas, il tient sur des investisseurs. Et le principe, c'est de la valeur de l'entreprise repose sur les datas des clients. Plus elles arrivent à capter un nombre de clients importants et les informations de ces clients, plus elles ont potentiellement des possibilités de valoriser ça par la suite. Si vous prenez l'exemple de Deliveroo, pendant les premières années, ils ont collecté beaucoup d'informations sur les clients et les restaurants avec lesquels ils travaillaient. Donc ils savent ce que les gens mangent, à quelle heure, à quel prix, dans quel quartier, etc. Ça leur a permis derrière d'ouvrir ce qu'ils appellent des « dark kitchens ». C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des restaurateurs qui payent un emplacement, du personnel, une salle, une terrasse, etc., ils créent des cuisines à faible coût pour pouvoir faire que de la livraison aux particuliers. Et donc, quelque part, ils ont capté une part de la clientèle des restaurants. Et on voit aussi que ces plateformes, elles naviguent à vue un petit peu. Elles n'ont pas forcément elles-mêmes une vision très claire de ce que sera leur business dans 2-3 ans, parce qu'elles s'adaptent en fonction des évolutions réglementaires, des opportunités qui se présentent. Donc là, on voit des partenariats se faire entre des enseignes de la distribution et des plateformes de livraison pour faire de la livraison de courses dans Paris. Le problème, c'est qu'elles embarquent des travailleurs dans ces expérimentations avec parfois une visibilité assez courte. Tout ce que racontent les livreurs hein, en tant que participants à notre enquête, c'est des choses que j'ai vécues en fait. Moi aussi je m'y retrouve. J'ai beaucoup insisté sur le fait qu'ils sont seuls, qu'ils sont isolés. Les choses qu'ils vont échanger, c'est des choses très stéréotypées. C'est-à-dire, ah t'as fait la prime, t'as gagné combien, ça. Mais il n'est jamais question de vraiment de travail, de comment on fait le travail, de quelle est la qualité du travail, comment. On... ce qu'on appelle en psychodynamique du travail les pathologies de la solitude. Les pathologies de la solitude, elles ont comme dénominateur commun en fait l'isolation et l'abrasion des ressources défensives collectives contre les effets pathogènes de la souffrance et contre les contraintes du travail. C'est-à-dire que le premier préventeur dans le travail, c'est le collectif. C'est lui qui a ses règles. Ses règles de travail, mais aussi ses règles défensives et ses règles de prudence ou ses règles de prévenance. Quand j'ai interrogé des coursiers en coopérative sur les questions du corps, ça échange très vite et ils ont tous des solutions hein, sur les irritations du séant notamment, parce que hein, quand on fait 100 km par jour tous les jours, il faut prendre soin hein, du postérieur, et donc ils ont tous leur petit truc. Alors parce que coopérative, parce que salarié, d'accord, mais aussi parce que collectif de travail et collectif de personnes qui échangent sur le travail. Ils développent des savoir-faire. Comment on s'échauffe avant de faire 100 km si on veut se préserver. Donc tous ces savoir-faire sont aussi des savoir-faire de prudence et des conditions de vivre ensemble. Et donc, pareil dans la SCOP, il y a, dans les sociétés coopératives ouvrières de production, il y a un dispatch. Un dispatch, c'est celui qui organise les tournées. Et ce dispatcher, c'est un humain. C'est un travailleur, comme eux, qui est un coursier, comme eux, en fait. En fait, on passe dispatcher quand on a déjà un certain nombre de kilomètres, on va dire, d'expérience dans le métier. Donc, il sait comment on manage des personnes, comment on gère des travailleurs qui font des 100, 120 kilomètres par jour. Et donc, il voit quand il y en a un qui va pas bien. Enfin, lui, il est un peu malade hier, je vais lui mettre une petite tournée. Lui, il aime bien les montées, il aime bien aller à Montmartre et tout. Ça lui fait plaisir, et c'est ce qu'il aime. Je vais lui mettre. Et donc, d'adapter aussi le travail à la personne. Et pas le contraire, pas adapter la personne au travail. Dès lors que vous avez été éduqué en France, que vous avez grandi en comprenant ce que c'était que la sécurité sociale, ce que c'était que le droit social, etc., vous n'acceptez pas ces conditions de travail. Au bout d'un moment, vous dites, bon, ben, ça suffit, c'est juste pas possible. Beaucoup de ces travailleurs sont des travailleurs sans papier. Je pense que c'est assez bien établi maintenant. Donc effectivement, le phénomène de prolétarisation, il est en pleine expansion. On voit aussi de la sous-location de comptes à des mineurs. Quoi. On voit ressurgir des pratiques qui paraissent complètement aberrantes quoi, en termes de société. Donc c'est pour ça qu'il y a un besoin de réguler ce dispositif qui dépasse la simple question de la santé-sécurité au travail, ça c'est sûr. Moi, je suis arrivé en France, ça fait 2 ans que je suis ici. J'étais en Italie. Mais ici, d'origine ivoirienne, j'étais ici un ivoirien. Et en Italie, vous avez fait de la livraison aussi? En Italie, je faisais le restaurant. En italien, on dit lavapiatti, bon, tu vois, non? Ah, la plonge. Voilà, laver les assiettes, aider à cuisiner, couper les oignons, les trucs. Voilà. C'est ce que je faisais en Italie. Comment vous vous appelez? Mon nom, c'est Zoumana. Zoumana. Ouais. Marc évoquait les risques de déstabilisation. On a un assez bon exemple, hein, qui est celui du secteur de la distribution. Je ne veux certainement pas prétendre que c'est un secteur où les conditions de travail sont parfaites. Ce que je veux quand même dire, c'est qu'au cours des décennies, avec un travail extrêmement important de nos collègues des CARSAT, hein, qui travaillent en région, la situation s'est beaucoup améliorée. Et sans que ce soit parfait aujourd'hui, on a assisté, au cours des dernières décennies, vraiment à une vraie amélioration. Ils ont appris à le faire, le dialogue social a fait que maintenant ils font correctement. On est plus inquiet sur les start-up qui vont débarquer et qui n'ont pas de connaissances dans ce domaine. Et encore une fois, la prévention des risques professionnels, c'est pas leur tasse de thé, c'est pas ce qu'ils ont appris dans leur école de commerce. Et donc, ça peut donner des situations potentiellement destructrices, quoi. Donc, le progrès, c'est bien, la numérisation, c'est bien. Et nous, à la Sécu, on a un principe, c'est que c'est l'homme et la femme qui sont au centre de toute chose. On reçoit des messages hein, via les applications de téléphone en disant merci pour ce pic, vous avez rendu le sourire à nous. Nous avons atteint 1 million de commandes aujourd'hui expédiées à l'unité. Bravo. Enfin, bravo à tous, vous êtes les meilleurs. Et aussi derrière, on nous donne une petite banane en sortant de notre shift. On nous fait des petites olées. On a gonflé 12 de ballons. Tous les managers sont sortis un peu avant, ils se mettent tous en ligne. Ils vous voient passer, puis dès qu'ils vous voient, c'est olé. Genre avec le sourire, la banane, on vous offre un petit Kinder en chocolat, un petit Noël. Il y a des postes gourmands. En fait, ils appellent ça les AFEN. Comme ça, les salariés vont se dire, c'est très bien Amazon. Dans la tête de nombreux salariés et surtout les intérimaires qui ne connaissent pas encore le fonctionnement d'Amazon, lorsqu'on arrive chez Amazon, et moi-même j'en ai fait les frais, lorsque je suis arrivée chez Amazon, je me suis dit, bah, mon Dieu, c'est la première boutique où on m'autorise à venir travailler en pyjama. Parce que du coup, il y a des journées pyjama, il y a ceci, il y a cela. Et du coup, bah, c'est super. À l'époque, il y avait la PS4 en salle de pause où on pouvait aller jouer à la Play. Il y avait des petits bonbons. Il y avait les pom-pom girls qui défilaient avec de la musique. Enfin, tout ça, lorsqu'on commence et lorsqu'on est jeune et qu'on sort de l'école, ben, On se dit, c'est super, c'est une bonne ambiance. Et puis finalement, il faut pratiquer des quelques mois, quelques années pour ensuite découvrir l'envers du décor. Et on se dit que s'il y a tout ça, c'était pas pour rien en fait. Comment ça se passe l'appli là? C'est une seule course que j'ai fait le matin, c'est ça? Ce matin, vous avez gagné 4,87€. Ouais. Et là, il est midi. Ouais, le midi, ouais. Midi 13. Et dans la journée, vous espérez gagner combien au total? Ça dépend, 30€ ou 40€. Et là, il va falloir charbonner pour gagner ça dans l'après-midi. C'est trop. C'est quoi? C'est une commande. Vous la prenez? Non, c'est trop loin. Non, je le prends. Je le prends, c'est le matin. Mais ça sonne pas trop donc. Ça vous ferait aller trop loin? Ouais. Non, je l'ai plus. Ok. On nous paye très très mal. Parce que par course, tu peux faire au moins 4€, tu fais au moins 4 km ou 5 km pour 5€. Vraiment, c'est la merde. Mais on fait avec parce qu'on n'a pas une autre solution. Bon, les gars, ce qu'ils m'ont donné tout de suite. J'ai pris deux cruises, je m'en vais du camp dans les 14e ou 15e. Là maintenant? Là maintenant. Et là on est du côté d'Opéra, donc c'est très très loin. C'est très très très. Il doit faire au moins 6 km et quête comme ça. Vraiment, c'est la merde. Hein. Ok, je vous laisse comme. Bon courage. Merci. Au revoir. Merci à Fabien Lemosi, Marc Malenfer, Michel Herry, Jérôme, Leslie, Tatiana, Alexandre, Zoumana. Coordination Perrine Carvan et Marie-Vonne Abolivier. Mixage Manuel Couturier. Un documentaire de Rémi Libowski-Douat, réalisé par Jean-Philippe Navarre.